Monopoly, mille bornes, ou bien Rami, petits chevaux, bataille, rester au chaud, une balade dans la forêt d'à côté, et puis la pluie nous fait rentrer mouillés, dépités, l'ennui un dimanche après-midi, une partie de dames, Pictionary, jeu de tarot, belote ou bien tricot, la pluie qui tombe fera du bien au jardin, les chiens aboient, coursant les chats au loin, mais en vain, l'ennui un dimanche après-midi, des mots croisés, un livre ou la télé. Et les images s'endorment entre deux pages, mais l'on s'affaire pour préparer le goûter dans la cuisine, une tartine trempée dans le lait, l'ennui un dimanche après-midi, un DVD, des crêpes, la cheminée. Un jeu de loi, un disque, rester chez soi, mais la famille et les amis invités doivent partir, veulent rentrer ce soir, pas trop tard, l'ennui, un dimanche après-midi. Encore un jeu de cartes, encore un peu, un 10 de cœur. Je gagne déjà 7 heures, on se prépare au lendemain dans le bain et l'on est prêt, on va manger, sécher, rhabiller la vie le dimanche avant la nuit.